Chapitre 2e. 8 heures venaient de sonner au moment où les deux amis franchissaient la grille du magnifique bungalow qui servait de résidence au très riche et très honorable président de la IBARS, Imperial Bengalian Asiatic Researchers Society. Sans entrer dans des détails évidemment connus de nos lecteurs sur l'origine et les développements de Calcutta, qu'il nous suffise de rappeler que la civilisation anglaise s'était forcée, avec succès, de faire reculer la barbarie un peu trop primitive des indigènes. Aussi, les fièvres paludéennes, qui étaient endémiques sur un sol coupé de marais et d'étangs fangeux, sur lesquels les anciens hindous étayaient tant bien que mal leurs chemins de torchis et de bambous, les nouveaux occupants ont peu à peu conquis sur ces terrains d'énormes espaces assainis et irrigués qui s'étendent jusqu'au faubourg de Plaisance, Victoria Forest, Prince Albert Hill, etc., véritable Éden de luxe et de confortable, tout peuplé de villas superbes, renfermant toutes les conditions du confortable moderne. Parmi ces conquérants d'un nouveau genre, Sir William Lewis était de ceux qui détenaient le record. Son château, car c'était bien un véritable manoir, avait été construit par lui sur la rive d'un des innombrables bras du Gange, le Tubi, d'ailleurs devenu Wellington River. Il lui avait fallu créer le sol de toutes pièces, combler les fondrières, niveler une colline, percer les avenues dans une petite forêt alors presque vierge. Mais au prix de tant d'efforts et de millions, aidé par la ténacité de sa race, Sir William avait construit un domaine que l'on citait pour un modèle. Quand on parlait de Westminster Lodge, c'était toujours un grand renfort d'épithètes admiratives, splendid, beautiful, qui équivalait en français à cette expression plus familière, très réussie. Sir William avait fait quelques années de service dans l'armée britannique et avait concouru notamment à la soumission des petits rajas qui, grâce aux barrières impénétrables que leurs forêts et leurs montagnes opposaient aux envahisseurs, tinrent pendant de longues années l'Angleterre en échec. Mais sa connaissance des langues hindoues, la souplesse de son caractère et aussi une puissance de persuasion qu'il tenait de ses convictions humanitaires avaient à la fin triomphé de tous les obstacles. Il s'était particulièrement attaché à faire disparaître les coutumes superstitieuses qui, dans trop de régions, prenaient un caractère d'épouvantable férocité. À Calcutta même, ne voyait-on pas, il y a 30 ans à peine, de misérables fanatiques se suspendre à des crocs qui leur entraient dans la chair et sous les côtes et ainsi se laisser emporter dans l'espace par une sorte de manège circulaire. Encore ceci, comme les fanatiques qui aujourd'hui encore vont se faire écraser sous les roues du char de Juggernaut, n'étaient-ils que des victimes volontaires. Mais dans les pays plus isolés, qui conservaient encore une certaine indépendance, il n'était pas rare que des sacrifices humains fussent l'occasion des plus atroces tortures infligées à des captifs ou même à des êtres qui volés ou achetés dans leur enfance étaient élevés et entretenus dans ces tribus pour servir, l'âge venu, à ces ignobles et sauvages hécatombes. Sir William s'était dévoué au salut de ces misérables victimes de la folie religieuse et avait dirigé plusieurs expéditions dont le résultat lui avait fait grand honneur. Il était parvenu habilement à arracher aux sectateurs de l'horrible déesse Kali le secret de retraite encore inconnu, et il avait délivré nombre de créatures des deux sexes que leur bourreau futur avait jusqu'ici soustraites à toutes les recherches. C'était d'ailleurs un homme généreux et charitable dans toute la force du terme, et il était de notoriété générale que les serviteurs et les ouvriers qui travaillaient sur ces terres étaient traités avec une indulgence toute paternelle. Au moment où nous pénétrons à Westminster Lodge, toute la famille est réunie sur la galerie du bungalow au-dessus de laquelle le ciel s'étend, vaste tente d'un bleu profond dans laquelle les étoiles scintillent comme des clous d'or. Point de lune. Une clarté vague s'épand sur les constructions, teintant de grisaille les murailles blanches, sur lesquelles les colonnettes se détachent en silhouettes estompées et gracieuses. La véranda, avançant en terrasse, forme une sorte de salon circulaire. Là, Sir William, étendu nonchalamment sur son rocking chair, fauteuil berceur, se balance doucement. Sa femme, non loin de lui, forme un groupe avec ses 3 plus jeunes enfants, véritable type de jeunesse anglaise, à la carnation si pure et si fraîche, tandis que l'aîné des garçons, âgé de 12 ans, s'occupe gravement à dresser un jeune macaque qu'il se montre assez rebelle à l'éducation. Le silence serait profond si, à quelque distance, ne résonnait une musique étrange, très douce à la fois et très plaintive, avec de temps à autre des accords brusques qui donnent l'impression de cris ou de sanglots arrachés par une peur subite. Puis, la mélodie reprend, sans suite, sans règle, mais empreinte d'un charme profond. « Assez, Zanda, assez !» cria tout à coup la voix un peu aigre de Lady William. « En vérité, my darling, vous finiriez par me faire pleurer. Venez ici, Zanda !» L'instrument se tut subitement, comme en un brisement de voix, et du fond de la véranda, une forme svelte et charmante s'avança. C'était Ria Zanda, la jeune fille dont l'hindou des Noirs avait parlé, et à qui, plusieurs fois, Lucien avait fait allusion. En vérité, il eût été malaisé de rêver apparition plus délicieuse. Drapée dans une étoffe rouge, qui fermant tunique moulait son corps jeune et admirablement proportionné, Ria Zanda s'avançait à petits pas, comme glissant sur les nattes de joncs qui garnissaient le sol. Bien que la lumière trop faible empêchât de distinguer ou plutôt de détailler ses traits, son visage, légèrement brun, apparaissait d'une parfaite régularité, et ses deux yeux, où semblait se concentrer tout ce que le crépuscule donnait encore de lumière, brillaient comme des diamants. « Approchez, Ria, » dit Lady William. « Je veux vous regarder de près. Je parie que vous avez encore pleuré. Votre banni, une sorte de sitar faite de bambou et garnie de trois cordes, ne me trompe pas. Pourquoi êtes-vous triste? Désirez-vous quelque chose? Quelqu'un vous a-t-il causé quelque peine? Vous savez que vous pouvez vous expliquer en toute franchise ?» Et tout en parlant, Lady William avait saisi la main de la jeune fille et, l'attirant, l'avait doucement contraint de s'agenouiller auprès d'elle au milieu de ses enfants. Ria répondait à voix basse, d'un accent un peu grave, mais d'une ineffable douceur. Elle parlait un anglais assez incorrect, mais parfaitement compréhensible, disant l'affection qu'elle portait à ses maîtres, sa joie de se trouver au milieu d'eux, niant sa tristesse. « Et pourtant il y a des larmes dans vos yeux, Ria. Après tout, ce sont peut-être ces chants de votre pays qui vous causent ces émotions. J'ai tort de vous les demander, mais ils me plaisent si fort. » À ce moment, un des serviteurs hindous, Raji, sorte d'intendant des plantations qui avait toute la confiance de Sir William, gravit les degrés de la véranda et s'approcha de son maître. Là, les deux mains au front, il salua profondément. Sir William, qui rêvait peut-être à quelques problèmes philologiques, eut une sorte de sursaut et regarda l'hindou qui lui adressa un signe imperceptible dont le sens n'échappa pas à l'anglais. Raji voulait l'entretenir en particulier. Alors, Sir William, élevant légèrement la voix, rappela que l'heure était avancée et qu'il convenait de rentrer dans la maison. « Il me semble, ajouta-t-il, que notre ami Lucien est en retard. Préparez le thé et les sandwiches, et aussi quelques fioles de vin de France dont notre hôte est assez friand. Allez, je vous rejoins dans un instant. » Une minute après, il se trouvait seul avec Raji et l'interrogeait. « Que se passe-t-il? Tu as un air inquiet qui n'était pas ordinaire. Je ne suppose pas que Monseigneur le Tigre se soit hasardé jusqu'ici. Les bêtes ne sont pas les plus féroces des êtres. Je le sais. Et souvent les hommes sont plus à craindre que les fauves. Mais il n'est pas d'homme qui puisse te faire peur. Non, maître. Quand l'homme attaque en face et à visage découvert. Mais j'ai peur du traître qui se cache et qui rôde. Explique-toi. Hélas. Pourrais-je te jamais donner l'habitude de parler clairement et promptement? Exprime-toi en anglais. Ta langue bengalie se plaît trop aux circonlocutions. Donc, tu veux dire qu'un danger nous menace et que tu as vu rôder de ce côté des individus suspects? Oui, maître. Quels sont ces hommes? Mais parle donc. Des kundes, prononça nettement l'hindou. Hein? Tu as dit des kundes? C'est impossible. Jamais ces bandits des montagnes n'oseraient s'aventurer si près de Calcutta. Je les ai vus, répliqua Raji, et j'en ai compté jusqu'à trois. Tu les as reconnus? Tu es sûr de ne pas te tromper? Mon maître oublie-t-il que j'ai combattu à ses côtés là-bas, dans le Gundavar, et que j'en ai tenu plus d'un au bout de mon Winchester? C'est vrai. Mais voyons, explique-toi ça en phrases. Dis-moi tout. Eh bien, maître, depuis quelques jours déjà, j'avais relevé dans nos champs des traces suspectes. Des êtres dont, tout d'abord, je ne pouvais discerner la nature, s'étaient glissés à travers les lianes et les broussailles, et, chose curieuse, s'étaient attachés à franchir d'un bond les sentiers frayés pour n'y pas laisser de vestiges apparents. Je crus d'abord à quelques jaguars et je fis le guet, l'arme à la main, je ne vis rien. Cependant, il était évident pour moi que ces êtres, quels qu'ils fussent, cherchaient à s'approcher de plus en plus du bungalow. Je sus bien vite que c'étaient des hommes, d'abord à la grandeur des voies ouvertes, puis à certains indices qui ne pouvaient me tromper, par exemple ce lambeau de drap rouge. C'est en effet, dit Sir William, la caractéristique du costume des Kund, à ce point que ce drap rouge sert de moyen d'échange avec eux. Continue. Je resserrai ma surveillance. Mais ces gens sont habiles. Ils ont leurs ruses, toujours nouvelles, toujours plus décevantes. Heureusement, je les connais mieux qu'ils ne le supposaient. Enfin, il y a une heure. Il s'arrêta tout à coup, se penchant comme s'il avait entendu quelque bruit à l'intérieur de la véranda. Sir William avait compris et écoutait comme lui. Je me serais trompé, dit Raji. Cependant, je vous dis, maître, qu'il convient de se défier. Je les ai vus, ces hommes, ces Kund maudits, ces tueurs de femmes et d'enfants, ces sectateurs de Manuxoro, le dieu rouge des batailles. Je les ai reconnus. Maigres, agiles, vigoureux, portant au front la courte grecque de plumes. Mais ces Kund, quels sont-ils? À quelle classe appartiennent-ils? La cordelette qui serre leurs poignets, je les ai reconnus, ce sont des panous. C'est-à-dire ces misérables pourvoyeurs de chair humaine qui vont jusqu'aux confins les plus reculés du Bengale, recruter, voler les victimes humaines, eux-mêmes. Et parmi eux, j'ai vu Kondroé, leur chef, celui-là même à qui vous avez arraché Riasanda. Sir William, qui n'avait pas quitté jusque-là sa pose nonchalante, tout à coup bondit sur ses pieds en saisissant le poignet de son serviteur. « Kondroé, as-tu dit ? Oh, le danger est plus réel que je ne le supposais. Tu as raison. » C'est bien ce misérable que j'ai arraché il y a maintenant 10 ans, cet enfant qu'il venait de vendre au tueur Kund. Et encore, a-t-il fallu lui acheter cette malheureuse d'une poignée de guinées? Et à cette époque, je vous avais fait remarquer que vous ne l'aviez pas forcé à prononcer le serment des Kund, la formule qu'il n'ose pas enfreindre. Tu crois alors que ce bandit n'a pas abandonné ses projets? Vous savez, maître, que pour les Kund, toute victime marquée par eux est irrévocablement condamnée, que des malheureuses déjà délivrées sont retombées entre leurs mains. Vous savez aussi que par un de ces étranges mystères, dont seul Brahma a le secret, il semble que ces victimes, dès qu'elles ont été désignées pour le sacrifice, sont en quelque sorte attirées par la mort, qu'en vain elles résistent à cet appel obscur, mais plus fort que leur volonté, que leur terreur, et que plus d'une est allée se livrer d'elle-même à ses bourreaux. C'est vrai, fit Sir William en secouant la tête, parfois même, quand je vois rien triste, quand je surprends des larmes dans ses yeux, il me semble qu'elle subit à son insu l'attraction de la mort sanglante. Mais non, c'est impossible, elle est heureuse, son avenir est assuré. Oui, maître, mais elle sait qu'elle a été, qu'elle est fiancée au dieu rouge. Et c'est pour la soustraire à cette obsession que je l'ai dépaysée, éloignée de ce pays de Goumsur. Dont elle n'a pas oublié les chansons. Tout à l'heure encore, n'entendais-je pas les refrains des monts Vindhya? Ne se part-elle pas toujours de la couleur rouge chère à sa tribu et à ses bourreaux? C'est vrai. Je n'y avais pas songé. Je mettrai ordre à tout cela. Mais en attendant, il faut d'abord la défendre contre le danger immédiat. Quand tu as reconnu ces bandits, qu'as-tu fait? Rien, j'étais seul. M'élancer sur eux ou même les saluer d'une balle, c'était les avertir que leur présence était signalée. Au lieu de cela, il est préférable qu'ils se croient en pleine sécurité. Peu à peu, ils ont avancé leurs travaux d'approche. Ils ont reconnu qu'à l'ombre du petit bois qui est à droite du bungalow, il serait possible de s'approcher de la résidence sans être aperçu. Ils le croient, du moins. Cela vaut mieux. Il faut qu'ils se fassent prendre au piège qu'ils ont tendu eux-mêmes. Et cette fois, pas de pitié, fit Sir William, avec une colère concentrée. Une enquête judiciaire sera ouverte. Leurs crimes seront révélés. Et ils les expieront par la mort. Et moi qui croyais avoir déraciné ces infâmes superstitions. Mais, pour les circonstances présentes, maître, quels sont vos ordres? Exercez une étroite surveillance de jour et de nuit. Rajil, je compte sur ton entier dévouement. Prends nos serviteurs les plus fidèles et les plus déterminés. Pose pour cette nuit des sentinelles à toutes les issues et sur la terrasse. Que de 5 en 5 pas veillent des hommes armés de rifles. Qu'au premier mouvement suspect, ils donnent l'alarme. Et si l'un d'eux tient de ces misérables au bout de son arme, qu'il le tue. Je veillerai moi-même, maître, et prendrai toutes les dispositions nécessaires. Vous pouvez vous fier entièrement à moi. J'ai l'horreur et le mépris de ces assassins, dont la sainte religion de Brahma condamne les folies cruelles. Bien dit, mon brave Rajil. Et puisque ces tueurs infâmes osent nous défier, tant pis pour eux. C'est la guerre, ils en paieront les frais. Va, mon digne serviteur, et dis bien à tous que je saurai récompenser les fatigues subies et les services rendus. Rajil s'inclina, saluant de nouveau à l'oriental. Sir William resta un instant penché sur la balustrade de la véranda, plongeant ses regards dans la nuit comme s'il eût voulu vérifier l'exactitude des renseignements que venait de lui donner son serviteur. Puis, avec un geste énergique qui prouvait la force des décisions prises, il rentra à l'intérieur du bungalow.